Quand tu cherches la merde, c'est connu que tu la trouves. Mais quand je toque à la porte, c'est des trafiquants qui m'ouvrent. Me dis pas que je suis perdu, tout ce que je fais, j'ai bien choisi. Je veux juste quelques billets au lieu de rester les poches vides. Et quand y'a rien, perso, j'ai la tête qui tourne vite. On décide de faire des choses malgré la patte qui tourne vite. Plein de billets, c'est trop beau, la fortune, rêve de brigand. Autour y'a trop de mecs bizarres, ça devient intrigant. Avec le temps, on a grandi. Et pourquoi maintenant les gens nous appellent les bandits? On se fait plus qu'écro, on s'amuse à se faire des escrocs. On se bouffe entre nous, fais gaffe, on se met des coups de croc, des coups de cross. Si tu joues le big boss, moi je suis là pour bosser avant de jouer les boxeurs. Si t'es de mon avis, enfile un dosard de ma couleur. Et si t'es pas d'accord, on te propose un aller simple au vestiaire. Absent, j'ai les pare-balles, ouais c'est Rasco qui a la dalle. J'encule tous les MC qui menacent de leurs balles. En crisant, en chantant, ne tripète pas, on t'entend. Reste vrai, ne mens pas, un guet-apens, c'est tentant. En pensant à toutes ces petites putes, ces vieilles sont vierges, mais putain arrête ta flûte. Arrête ton ciné, t'es pas filmé. 93, Blancoc, ville traumatrique, c'est des malfrats, des morts à coups de cric, bras. Ou arrière, son instru, on te kick, bras. On désarme l'adversaire avec nos rimes. Comme à l'ancienne, Blancoc centre, point du crime. C'est la vie, trop connue pour ses émeutes. Quand on descend, c'est brolique, le poignard ou sur la meute. Et j'ai des M, quand on se pose, c'est comme une feuille. L'eau calibrée, clic, bras, c'est déjà ton deuil. Blanc-Ménil, c'est ma ville, là où le genre a rentré vite. Donc évite de dire que tu pèses, viens test, t'as envie. Fais le fou, et c'est sur toi qu'on s'excite. La centrale, 93, 150, ça c'est le site. Celle-ci, c'est pour les mecs, ne se terre pas. L'autre, tu rentres, tu ressors pas. À cette heure-ci, c'est nous les vrais, le reste, c'est tous des sosies. Notre tête remplie de soucis, c'est pour ça qu'à Pasteur, la France, on la bousille. Sauteur d'usine, dans les VK, Magnum et fusil. Des tonnes d'hommes, et dans les halls, ça pue l'urine. J'fais mes textes, et j'fais plat. Attention à mes rimes, comme tu doris. Ici on nique les faux MC qui pourraient faire bon. Des mecs juste pour passer sur M6. Même si tu fais des peupons, RSO, SOR, inscrit sur ta façade. Patate, normal qu'on t'arrache ta bécane ou ta passade. MC taille, les dice, c'est comme un verre de sky, fuck. Le péter à bac, mec, pour les catch cut. Le quartier star pas, le cerveau plus lèche qu'une red ball. Le crime entre les doigts, mandago, titre, raison, mafia. Mon flow est plus dangereux qu'une arme à feu. Parce que ma voix, elle s'arrête pas, et à Pasteur au cavale pas, ouais. Pour moi, c'est violaire, écoute son, tu lâches des sueurs. Crino, rasco, erso, l'instru encerclé par des tueurs. Si c'est 93, faire des qui sont de bête. Assassin au mic, pour les faux rappeurs, je leur mets un strike. Si c'est 93, faire des qui sont de baise, assassine au mic, pour les faux rappeurs, je leur mets un strike.